Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 8, colonne 1. Sherbrooke PQ. Monsieur l'abbé Baudry, curé de Compton, quitte sa cure pour aller prêcher comme missionnaire dans l'Ouest. Il sera remplacé par Monsieur l'abbé Choquette, vicaire à la cathédrale. Nous regrettons beaucoup le départ de Monsieur l'abbé Choquette et les catholiques de Sherbrooke parlant anglais font une véritable perte car de tous nos prêtres, c'était lui qui parlait le mieux la langue de Shakespeare et de Byron. Ces nouveaux paroissiens trouveront en lui un prédicateur convaincu et un prêtre des plus dévoués. Nous avons reçu cette semaine la visite de M. C. O. Caron, employé au département de l'agriculture, bureau des brevets. M. Caron était venu chez son père, M. Gabriel Caron, notre estimable concitoyen, que nous fêtions avec tant d'enthousiasme le 24 juin dernier. M. Ferdinand Gagnon, rédacteur du Travailleur de Rochester, est venu nous serrer la main en passant à Sherbrooke. M. Gagnon venait de conduire ses demoiselles au couvent de Saint-Hyacinthe et était de passage dans notre ville, en route pour la patrie, où sa famille est établie. Notre confrère de la rue King, autrement dit le pionnier, reproduit avec enthousiasme deux lignes de la Concorde, disant que le progrès ressemble à s'y méprendre au courrier de Rochester, et le malin ajoute que ce sont deux jumeaux dont la ressemblance est frappante. Soit. Mais depuis quand, cher confrère, est-ce un crime de ressembler à ce qu'il y a de meilleur? Tout le monde des lettres sait que le courrier de Rochester est un des journaux les mieux imprimés des États-Unis. Parmi les journaux de langue française, il n'est même surpassé que par le courrier des États-Unis, et peut se flatter d'avoir 5000 abonnés. Nous souhaitons que le progrès lui ressemble sous tous ses rapports. Quant à vous, confrère, vous ne devez pas craindre que l'on prenne votre feuille pour une autre. Jamais personne ne s'avisera de lui trouver un trait de ressemblance avec un autre journal, car ce n'est ni médire ni calomnier de dire que le pionnier ne ressemble à rien et qu'il ne pourrait être le frère jumeau que de lui-même, car il est unique dans son genre. Une association de secours mutuel a été fondée par les prêtres du diocèse de Sherbrooke. Le bureau est ainsi composé. Messieurs P. Girard, président, J. B. Ponton et P. Brassard, administrateur, H. O. Chalifoux, secrétaire trésorier. 38 admissions ont déjà eu lieu. Cette semaine, 40 machines seront reliées avec le bureau de la compagnie du téléphone, et le service de nuit va commencer prochainement. On parle de commencer le ballast sur la ligne du Waterloo et Magog. La société Cameron et Heard, avocat, successeur de la société Brooks, Cameron et Heard, vient de s'adjoindre un nouvel associé et portera désormais le nom de Cameron, Heard et Fraser. Monsieur H.R. Fraser a fait son droit dans l'étude de Messieurs Cameron et Heard et a été reçu bachelier en droit en juillet dernier avec la plus grande distinction. Nous souhaitons le plus grand succès à Messieurs Cameron, Heard et Fraser. Vendredi et samedi dernier, la salle de l'Hôtel de Ville retentissait sous les applaudissements mérités par les artistes amateurs du concert donné sous la direction de Monsieur E.B. Terrien. Jamais nous n'avons eu, à Sherbrooke, l'occasion d'entendre de meilleures musiques. Notre habile violoniste s'est surpassé et ces deux séances lui ont fait une excellente réclame pour les prochaines vacances comme professeur de violon, car nous espérons bien que M. Terrien donnera encore des leçons de violon. Les élèves ont été dignes du maître. Inutile de dire que M. Clapin, nous enchante toujours par les sons harmonieux qu'il sait tirer de son cornet au son argentin. Mademoiselle Campbell possède un véritable talent pour l'accompagnement. Mais le bouquet de ces deux soirées était sans contredit Mademoiselle Grégoire. Gracieuse dans sa tenue en scène, sa voix est forte et pure, d'une souplesse extraordinaire. Ce qui frappe le plus chez cette artiste, c'est son élégante diction. Pour elle, la musique n'est pas seulement de la vocalisation, c'est aussi une véritable déclamation. On distingue chaque parole comme chaque note, et le jeu de la physionomie vient rehausser cet ensemble de perfection. M. Thérien doit être satisfait, et nous pouvons lui assurer, ainsi qu'à ses collaborateurs, que le public a été véritablement ravi. Puissions-nous avoir souvent de pareilles soirées. Monsieur William Dussault, notre fabricant et marchand de meubles, est parti la semaine dernière pour s'installer à Mégantic. Monsieur Ulrich Lavallée, agent de la maison Hodgson Summer & Company de Montréal, est en visite ces jours-ci dans sa famille. Monsieur Lavallée a habité Sherbrooke autrefois. Plusieurs erreurs se sont glissées dans notre compte-rendu du cas d'empoisonnement de Bulwer. Ainsi, la veuve Coates n'est âgée que de 24 ans, non point de 28. L'estomac du défunt a été envoyé à Québec et l'analyse a été faite par le docteur Vallée, professeur à l'Université Laval. La lettre partant de Bulwer et demandant la strychnine était accompagnée d'un certificat d'un prétendu docteur Fitzsimmons. La réponse fut, en conséquence, adressée à F. King, celui au nom de qui la commande avait été faite. La jeune femme, loin de manifester aucune émotion, durant l'instruction préliminaire devant le magistrat de district, a gardé un sang-froid glacial. Pas une contraction de nerfs, pas une larme. On dit qu'elle a pleuré pour la première fois en prison, après avoir été définitivement écrouée pour son procès. Il paraît que la théorie de la défense va être que le défunt s'est empoisonné lui-même à cause du chagrin qu'il éprouvait dans son ménage. Les défenseurs sont messieurs W.B. Ives M.P. et G.W. Mary, avocats de notre ville. Nous apprenons avec plaisir que M. Auguste Gardel, un Français de la vieille France, vient d'être nommé contremaître au moulin de M. McFerrin. Nos félicitations. Mardi de la semaine dernière, messieurs George C. Stevenson et C. Langto, ayant passé un examen satisfaisant devant un comité d'avocats composé de messieurs William White, L. E. Panton et H. W. Molvina, ont été nommés sténographes officiels pour le district de Saint-François. On lit, dans le courrier de Saint-Hyacinthe, le Progrès de l'Est est le titre d'un nouveau journal qui vient de paraître à Sherbrooke. Il est publié par messieurs V. Bélanger et compagnie du Courrier de Worcester et paraîtra une fois la semaine. Ce journal se déclare conservateur indépendant. Nous souhaitons la bienvenue à ce nouveau confrère. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.